Deuxième partie, chapitre 1 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune par Louise Michel. Deuxième partie, République du 4 septembre. Chapitre 1, le 4 septembre. Amis, sous l'Empire maudit, que la République était belle. Louise Michel. Chanson des Géoles. À travers l'effroi qu'inspirait l'Empire, l'idée qu'il était à sa fin se répandait dans Paris. Et nous, enthousiastes, nous rêvions la révolution sociale dans la plus haute acception d'idées qu'il fut possible. Les anciens braillards, à Berlin, tout en soutenant encore que l'armée française était partout victorieuse, laissaient échapper de lâches tendances vers la reddition, qu'on leur faisait rentrer dans la gorge, en disant que Paris mourit plutôt que de se rendre, et qu'on jetterait la Seine, ce qui en répandrait l'idée. Il allait ramper ailleurs. Le 2 septembre au soir, des bruits de victoire, venant de sources suspectes, c'est-à-dire du gouvernement, nous firent penser que tout était perdu. Une foule houleuse emplit les rues tout le jour. La nuit, elle augmenta encore. Le 3, il y eut séance de nuit au corps législatif, sur la demande de Palikao, qui avouait des dépêches graves. La place de la Concorde était pleine de groupes. D'autres suivaient les boulevards, parlant gravement entre eux. Il y avait de l'anxiété dans l'air. Dès le matin, un jeune homme qui, l'un des premiers, avait lu l'affiche du gouvernement, la racontait avec des gestes de stupeur. Il fut immédiatement entouré de gens qui criaient aux Prussiens et conduit au poste de Bonne Nouvelle où un agent se jetant sur lui le blessa mortellement. Un autre, affirmant qu'il venait de lire le désastre sur l'affiche, aller être assommé sur place, quand un des assaillants, qui, celui-là, était de bonne foi, levant par hasard les yeux, aperçut la proclamation suivante que tout Paris lisait en ce moment avec stupeur. Le Conseil des ministres au peuple français. Un grand malheur a frappé la patrie. Après 3 jours d'une lutte héroïque soutenue par l'armée du maréchal Mac Mahon contre 300 000 ennemis, 40 000 hommes ont été faits prisonniers. Le général Wim Fenn, qui avait pris le commandement de l'armée, en remplacement du maréchal Mac Mahon, gravement blessé, a signé une capitulation. Ce cruel revers n'ébranle pas notre courage. Paris est aujourd'hui en état de défense. Les forces militaires du pays s'organisent. Avant peu de jours, une armée nouvelle sera sous les murs de Paris. Une autre armée se forme sur les rives de la Loire. Votre patriotisme, votre union, votre énergie sauveront la France. L'empereur a été fait prisonnier pendant la lutte. Le gouvernement, d'accord avec les pouvoirs publics, prend toutes les mesures que comporte la gravité des événements. Le Conseil des ministres, comte de Palikao, Henri Chevreau, amiral Rigaud de Genouilly, Jules Brame, Latour de Verne, Grand Perret, Clément Duvernois, Magne, Busson, Billot, Jérôme David. Quelque habile que fût cette proclamation, l'idée ne vint à personne que l'Empire pouvait survivre à la reddition d'une armée avec ses canons, ses armes, son équipement, de quoi lutter et vaincre. Paris ne s'attarda pas à s'inquiéter de Napoléon III. La République existait avant d'être proclamée. Et plus haut que la défaite dont la honte était à l'Empire, l'évocation de la République mettait une lueur sur tous les visages. L'avenir s'ouvrait dans une gloire. Une mer humaine emplissait la place de la Concorde. Au fond étaient en ordre de bataille les derniers défenseurs de l'Empire, gardes municipaux et sergents de ville se croyant obligés d'obéir à la discipline du coup d'État. Mais on savait bien qu'ils ne pourraient le réveiller d'entre les morts. Vers midi arrivèrent, pour la rue royale, des gardes nationaux armés. Devant eux, les municipaux, sabres au clair, se formèrent en bataillon serré. Ils se replièrent avec les sergents de ville quand les gardes nationaux s'avancèrent baïonnettes au canon. Alors il y eut un grand cri dans la foule, une clameur monta jusqu'au ciel comme semée dans le vent. Vive la République! Les sergents de ville et les municipaux entouraient le corps législatif, mais la foule envahissante allait jusqu'aux grilles criant « Vive la République! La République !» C'était comme une vision de rêve, elle allait donc venir. Les sabres des sergents de ville volent en l'air, les grilles sont brisées, la foule et les gardes nationaux entrent au corps législatif. Le bruit des discussions se répand jusque dehors, coupé de temps à autre par le cri « Vive la République !» Ceux qui sont entrés jettent par les fenêtres des papiers sur lesquels sont les noms proposés des membres du gouvernement provisoire. La foule chante la Marseillaise, mais l'Empire l'a profanée. Nous les révoltés, nous ne la disons plus. La chanson du bonhomme passe coupant l'air avec ses refrains vibrants. Bonhomme, bonhomme, aiguise bien ta faux. Nous sentons que nous-mêmes sommes la révolte et nous la voulons. On continue de passer des noms. À certains, tels que Ferry, il y a des murmures. D'autres disent, qu'importe, puisqu'on a la République, on changera ceux qui ne valent rien. Ce sont les gouvernants qui font les listes. Sur la dernière, il y a Arago, Crémieux, Jules Favre, Jules Ferry, Gambetta, Garnier Pagès, Glaise Bizouin, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon, Trochu, gouverneur de Paris. La foule crie, Rochefort, on le met sur la liste. C'est la foule qui commande maintenant. Une nouvelle clameur s'élève à l'hôtel de ville. C'était déjà beau devant le cours législatif. C'est bien plus beau dehors. La foule roule vers l'hôtel de ville. Elle est dans ses jours de splendeur. Le gouvernement provisoire est déjà là. Un seul a l'écharpe rouge, Rochefort, qui sort de prison. Encore des cris. Vive la République. On respire la délivrance, pense-t-on. Rochefort, Hude, Brideau, quatre malheureux qui, grâce au faux rapport des agents, avaient été condamnés pour l'affaire de la Villette, dont ils ne savaient rien, les condamnés du procès de Blois et quelques autres que poursuivait l'Empire, étaient rendus à la liberté. Le 5 septembre, Blanqui, Flotte, Rigaud, T.H. Ferré, Brelé, Granger, Véalet, Henri Place, Ranvier et tous les autres attendaient à leur sortie Hude et Brideau, dont Eugène Pelletan était allé signer la levée d'écrou à la prison du Cherche Midi. On croyait qu'avec la République, on aurait la victoire et la liberté. Qui eût parlé de se rendre eût été broyé. Paris dressé sous le soleil de septembre, 15 forts, pareil à des navires de guerre, montés par de hardis marins. Quelle armée d'invasion oserait les prendre à l'abordage? Du reste, au lieu d'un long siège à subir, il y aurait des sorties en masse. Ce n'était plus Badingue, c'était la République. La République universelle se lève dans les cieux ardents, couvrant les peuples de son aile, comme une mère ses enfants. À l'Orient blanchit l'aurore, l'aurore du siècle géant. Debout, pourquoi dormir encore? Debout, peuple, sois fort et grand. Le gouvernement jurait qu'on ne se rendrait jamais. Toutes les bonnes volontés s'offraient dévouées jusqu'à la mort. On eût voulu avoir mille existences pour les offrir. Les révolutionnaires étaient partout, se multipliaient. On se sentait une puissance de vie énorme. Il semblait qu'on fût la révolution même. On allait Marseillaise vivante remplaçant celle que l'Empire avait profanée. « Cela ne durera pas, » disait le vieux Millot, qui se souvenait de 48. Un jour, sur la porte de l'hôtel de ville, Jules Favre nous serra droit dans ses grands bras, Rigaud, Ferré et moi, en nous appelant ses chers enfants. Pour ma part, je le connaissais depuis longtemps. Il avait été, comme Eugène Pelletan, président de la Société pour l'instruction élémentaire, et rue Hautefeuille, où avaient lieu les cours, on criait « Vive la République !» bien avant la fin de l'Empire. Je songeais à cela pendant les jours de mai à Satory, devant la mort sanglante où les vainqueurs lavaient leurs mains, seule eau qui fut donnée à boire aux prisonniers, couchés dans la pluie, dans la boue sanglante de la cour. Fin de le 4 septembre.